Bonjour à tous, très chers auditeurs, bienvenue sur Radio Gémozo pour la chronique Santé Bien-être avec les secrets de Mathilde. Nous venons à peine d'enterrer l'année 2018 pour laisser place à 2019. En ce qui me concerne, l'année 2018 a été une tornade ambulante et j'avais hâte de clôturer ce cycle et de passer à autre chose. Le changement d'année est significatif dans nos vies. Cela permet de se fixer de nouveaux objectifs et de faire le bilan pour certains. Je vous conseille d'inscrire sur une feuille de papier tout ce qui vous tracasse, vos déceptions et regrets sur l'année écoulée. Puis brûlez cette feuille dans une cheminée ou à la bougie. Vous ressentirez tout de suite un soulagement. On repart souvent de bon pied, les traditionnelles résolutions, difficiles à tenir à long terme. C'est pourquoi je vous propose d'en choisir que 3, au maximum, en essayant de vous y tenir. Sachez qu'il faut 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude. Tenez un cahier et essayez de tenir 21 jours. Ensuite, cette résolution se transformera en une habitude. L'idéal est de choisir quelque chose de réalisable dans ce présent, en fonction de ce que vous ressentez, et ne lâchez rien. Tenir un cahier de route est une solution géniale. Cela vous permet d'être plus assidu, de noter vos objectifs et même d'y écrire ce que vous ressentez en positif et en négatif. Vous êtes le seul maître de votre vie. Une résolution typique que je déconseille fortement, c'est le fameux régime. J'ai littéralement rayé ce mot de ma vie. Il est souvent associé à la frustration et pour moi, nous n'arrivons à rien avec cette frustration. Ou nous allons tenir une semaine, puis ce sera fini. En revanche, changer son mode de consommation petit à petit est tout à fait jouable. Commencez doucement mais sûrement, en ajoutant des choses nouvelles qui au fur et à mesure remplaceront celles dont vous avez l'habitude. Dans tout changement, il faut du plaisir, de la joie et de l'engouement. Si vous choisissez un régime strict, vous vous lasserez. Alors que si vous changez quelques petites choses, vous le ferez avec conscience et envie. Pour cette nouvelle année qui commence, séparez-vous de tout ce qui vous dérange, des personnes qui ne vous apportent plus grand-chose dans votre vie. Vivez vos rêves et concrétisez-les. Bouddha disait qu'il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Je vous souhaite une merveilleuse année remplie de joie, de bonheur et de concrétisation. On se retrouve la semaine prochaine, le vendredi à 8h et à 13h30. Très belle journée.